Salut Jean-Pierre. Les mouches, hein. J'ai un pote qui disait t'encules pas un peu les mouches là. Je sais pas, moi j'attends le guitariste. Boire. Tu as 60 ans. Le temps passe très vite, tu sais, Jean-Pierre. Jean-Pierre. Moi, je reviens plus tard, moi. Thank you.